Ces accords parfaits autour d'un feu ou bien autour du monde. Buvons ce refrain embrassé, le temps d'une nuit ou d'une seconde, le temps d'une nuit et d'une seconde. Tendu.